Le fifre Petrouchka. Comme M. P. achevait son récit, un domestique entra, apportant le troisième samovar de la soirée. Je reconnus le ménétrier qui faisait danser au cabaret tout à l'heure. Je distinguai sur sa capote la petite croix de fer de Saint-Georges, celle qu'on donne aux soldats. « Tiens, dis-je à mon hôte, le musicien du village est à votre service. »« Oui, répondit M. P. Vous savez qu'en vertu d'une loi vieille comme les patriarches, on a d'autant plus de serviteurs qu'on a moins de services à leur demander, moins de besoins à satisfaire. Dans toute vraie maison russe, ils se mettent 10 pour faire très mal la besogne qu'un seul fait très bien chez vous. C'est le principe de la division du travail appliqué à un travail absent. Ce bonhomme, qui répond au nom de Petrouchka, est spécialement chargé de l'entretien et de l'alimentation des samovars. C'est la seule fonction que son intelligence lui permette. Encore m'apporte-t-il souvent de l'eau tiède, quand il ne disparaît pas tout à fait pour racler son violon dans quelque coin. 20 fois j'ai voulu casser au gage ce vieil imbécile qui n'aurait plus qu'à crever de faim dans sa hutte. Paresse comme il est, seulement. Seulement vous êtes trop bon. Mais non, c'est lui qui est bon. C'est lui qui est un héros. Quand j'ai envie de le battre, je me rappelle le siège de Bayazed. Et alors je suis tenté de l'embrasser. Vous n'êtes pas sans avoir entendu parler du siège de Bayazed. Eh bien, si ce glorieux fait d'armes illustre notre histoire, c'est peut-être à Petrouchka que nous le devons. » Je regardais avec étonnement l'ancien soldat. Je connaissais cet épisode légendaire de la guerre de Turquie, la défense de Bayazed. Au mois de juin 1877, l'armée russe du Caucase, forcée de battre en retraite, avait jeté dans cette petite place quelques compagnies de réguliers et quelques pelotons de cosaques, environ 1500 hommes, commandés par un major. Coupé du gros des forces russes, qui rétrogradait sur Erivan, entouré par 20 000 Turcs, cette garnison avait tenu bon pendant 23 jours, sans pain, presque sans eau, continuellement sur la brèche. Quand les troupes du général Tergoukassov, reprenant leur mouvement offensif, parvinrent à dégager Bayazed le 28 juin, ce qui restait de la garnison était tellement affaibli que les hommes pouvaient à peine porter leurs fusils. « Oui, reprit mon hôte, Petrouchka, fifre au régiment d'Erivan, fut un des héros obscurs qui nous aidèrent à défendre cette bicoque contre toute une armée. Non seulement il y a versé de son sang et ramassé des blessures dont il souffre encore, cela beaucoup d'autres l'ont fait, mais il y eut une minute où ce bonhomme, bien à son insu peut-être, décida du sort de la place. La chose vaut la peine d'être contée. Ah, imprudent! Vous ne saviez pas à quoi vous vous exposiez en venant relancer dans ces bois un ermite bavard qui vit tourné vers le passé. Vous êtes mon prisonnier, ma victime. Puisque j'ai trouvé une paire d'oreilles complaisantes, j'évite sans pitié mon sac à souvenirs. » En 1877, quand la guerre d'Orient, qu'on supposait devoir être une marche triomphale, se dessina comme une partie sérieuse, avec ses alternatives de succès et de revers, on appela les réserves et beaucoup d'anciens officiers reprirent du service. Je fus de cela. J'obtins d'être replacé à l'armée du Caucase, dans ce régiment d'Erivan où j'avais passé quelques années de ma jeunesse. J'emmenai mon Petrouchka, qui appartenait à une des classes rappelées. Je dois dire qu'il marquait peu d'empressement à aller délivrer mes frères slaves et que je me défiais de ses qualités guerrières. En revanche, je connaissais ses aptitudes musicales, et je lui fis donner un emploi de fifre, vacant dans mon bataillon. Je vous fais grâce du récit de notre campagne jusqu'à Bayazed. Il vous suffira de savoir que nous comptions dans une des compagnies abandonnées là par l'armée en retraite. Représentez-vous une petite citadelle à demi ruinée, posée sur une étroite corniche au flanc d'une paroi de rocher en face du mont Ararat. Les crêtes des montagnes dominent la place de tous les côtés. Le 6 juin au matin, nous vîmes ces crêtes se couronner de tirailleurs, puis de cavaliers et de canons. C'était l'armée turque qui prenait position sur ces hauteurs, d'où son feu plongeait dans nos retranchements. Le gros village de Kurdes et d'Arméniens, d'où nous tirions nos subsistances, était tassé dans la vallée, sur les pentes du mamelon de Bayazed. À la nuit, une nappe de flammes couvrit ce village. Les Kurdes, excités par l'approche de leurs coreligionnaires, s'étaient jetés sur les chrétiens, égorgeant les hommes et incendiant les maisons. Nous voyons distinctement le massacre des malheureux Arméniens, les femmes et les enfants précipités dans les brasiers. les cavaliers turcs se joignirent aux Kurdes pour piller le quartier chrétien et emmener le bétail. Il ne resta qu'un monceau de ruines et de cendres. Nous nous étions barricadés à la hâte, en bouchant avec des pierres les portes et les brèches du mur. Notre approvisionnement consistait en une petite réserve d'orge et quelques caisses de biscuits. Ce qui nous inquiétait le plus, c'était le manque d'eau. Dès le premier jour, l'ennemi détourna la source qui alimentait la citadelle. Un autre ruisseau coulait dans la vallée, à 300 pas du rempart. Mais l'approche nous en était interdite par le feu des positions turques. Quand il se vit investi, le commandant ordonna de remplir tous les tonneaux, vases et marmites que nous possédions. Pour 1500 hommes, c'était de quoi vivre 4 à 5 jours. Le 8, nous repoussâmes un premier assaut qui nous coûta pas mal de monde. Les alertes se succédèrent sans interruption les jours suivants. Notre faible effectif, obligé de fournir des postes nuit et jour, fut bientôt sur les dents. Mais nos pertes les plus sensibles étaient celles qu'on faisait chaque nuit, en allant à la maraude pour découvrir des vivres dans les décombres du village et puiser de l'eau au ruisseau de la vallée. Tous les soirs, une colonne de volontaires partait pour ces périlleuses expéditions. Les Turcs, avertis de nos habitudes, balayaient les abords de la place. La colonne laissait en chemin 10, 15, parfois jusqu'à 20 hommes, et pour ce prix sanglant, elle rapportait quelques seaux d'eau empoisonnés. Car l'ennemi avait eu soin d'entasser dans le ruisseau des cadavres d'hommes et de chevaux qui communiquaient à cette eau une odeur fétide. On rationna les soldats à 1 livre de biscuits et 1 bidon par jour. Encore était-ce là un idéal d'abondance dont il fallut bien rabattre par la suite. Dès la première semaine du siège, on avait dû renoncer à laver les plaies des blessés et à faire de la soupe pour eux. Ce tourment de la soif nous était infligé pendant les ardeurs d'un été d'Asie, après des nuits de guet et de combat. Le matin, nos premières gardes se levaient anxieux vers le ciel, brûlant comme une voûte de four où pas un nuage ne venait promettre un soulagement à notre supplice. Mais il reste de ces journées un monument plus éloquent dans sa simplicité que tous les récits. Ce sont les ordres quotidiens dressés à la garnison par son brave commandant. « Tenez, feuilletez ceci. » Monsieur P. me montra sur un rayon de bibliothèque une plaquette de quelques pages qui portait ce titre « Les 23 jours du siège de Bayazed, Pétersbourg, 1878 ». Je parcourus cette brochure. Je regrette de ne pouvoir tout reproduire d'un document si curieux et si honorable. Ordre numéro 6, 9 juin. J'adresse mes remerciements sincères aux officiers et aux soldats pour la vaillance avec laquelle ils ont repoussé l'assaut d'hier. Attendu que la provision d'eau s'épuise rapidement, et que le siège peut durer longtemps, la ration est réduite à 1/2 bidon. Aujourd'hui, on creusera une fosse dans le sous-sol des casemates et on rendra à la terre le corps du lieutenant-colonel Kovalevski tué dans l'affaire du 6. On damera la terre sur le corps. Ce soir, on désignera une équipe de travailleurs et une escorte de cosaques pour percer une tranchée dans la direction du ruisseau. Les hommes qui s'engageront dans cette tranchée doivent porter avec eux de la vaisselle de bois et laisser les bidons afin d'éviter le bruit. Ordre numéro 7, 10 juin. Les hommes de corvée ont fait trop de bruit hier soir. L'ennemi averti a arrêté la sortie par son feu. Attendu que la réserve d'eau de l'hôpital est épuisée, les blessés et les malades participeront à la distribution de la garnison. Ils recevront 1 bidon le matin et 1 le soir. À partir de demain, la ration de biscuits sera réduite à 1/2 livre par homme. Ordre numéro 10, 14 juin. À partir de demain, la ration de biscuits sera réduite à 1/4 livre par homme. La sortie d'hier ayant réussi, on donnera de l'eau aux blessés et aux malades de l'hôpital pour faire cuire la soupe. Ordre numéro 12, 17 juin. Afin de ménager nos réserves de biscuits, on portera de 25 à 50 le nombre des hommes commandés cette nuit pour la sortie à l'eau. Une partie d'entre eux se répandra dans le village pour chercher dans les décombres des maisons les objets comestibles qui pourraient s'y trouver encore. Ordre numéro 13, 18 juin. Aujourd'hui, on ensevelira dans la fosse du sous-sol des casemates le corps du lieutenant-colonel Pazlevitch, mort de ses blessures le 16. On damera la terre sur le corps. La sortie d'hier ayant réussi, la distribution de biscuits est supprimée aujourd'hui. Les hommes se nourriront des aliments recueillis dans le village. On renouvellera la sortie la nuit prochaine pour le même service. Ordre numéro 16, 21 juin. La sortie d'hier ayant été arrêtée par l'ennemi dès le début, on délivrera aujourd'hui du biscuit à la garnison à raison d'un huitième de livre par homme. On fera cuire les aliments qui restent pour les malades. Ordre numéro 18, 23 juin. La sortie à l'eau n'ayant pas réussi hier, on donnera aux malades un bidon et aux combattants un quart de bidon. Ordre numéro 19, 24 juin. La sortie d'hier ayant encore échoué, on donnera aux malades un bidon et aux combattants une cuillerée d'eau. Comme il n'y a plus de pain à l'hôpital, faute d'eau pour le cuire, on réservera aux malades le peu de biscuits qui reste, à raison d'un quart de livre par tête. Pour nourrir la garnison, on abattra mon cheval et celui de l'adjudant de place. Héros de Bayazed, vous êtes digne de ce nom parce que jusqu'à ce jour vous avez supporté avec fermeté et sans murmure toutes les privations dont vous souffrez, enfermés dans cette forteresse. Courage, mes amis, courage pour les épreuves futures. De très grandes nous sont encore réservées. Mais ne perdez pas l'espoir d'être délivrés. Soyez certains qu'on se hâte à notre secours et que des obstacles imprévus retardent seuls nos libérateurs. Quoi qu'il arrive, souvenez-vous que le serment, la loi, le devoir, l'honneur de notre patrie exigent que nous mourions à ce poste. Nous le ferons, malgré toutes les ruses de notre adversaire qui nous propose chaque jour de nous rendre à des conditions avantageuses. Souvenez-vous, mes amis, que Dieu nous voit, que nous faisons cette guerre pour la défense de ceux qui croient en lui et qu'il ne nous abandonnera pas. Songez, reprit M. P., comme je lui rendais sa brochure, qu'après cette journée où nous fûmes rationnés à une cuillerée d'eau, il y en eut encore quatre avant la délivrance. Mais ces souvenirs m'emportent, et je ne voulais vous parler que de Petrouchka. Vous vous demandez ce qu'il devenait dans tout cela. Ses talents n'avaient plus d'emploi à Bayazed. L'heure n'était pas à la musique, sauf à celle du canon. On métamorphosa le fifre en canonnier. Il ne marqua pas dans cette nouvelle partie. Ce ne fut pas là qu'il trouva la gloire. Mais durant ce siège mémorable, Petrouchka eut trois idées, les seules probablement qu'il ait eues dans toute sa vie. Les deux premières étaient des idées tactiques. Elles furent médiocres et tournèrent à mal. La troisième était une idée musicale. Celle-ci fut excellente, comme vous le verrez. Il y avait dans la citadelle une ancienne chapelle abandonnée, adossée au mur du nord et prenant jour sur la campagne par deux meurtrières pratiquées dans ce mur. Cette chapelle était bâtie sur un vaste caveau qui avait dû servir de prison ou de dépôt de vivres au temps des Turcs. Une large ouverture, fermée par une dalle mobile, donnait accès dans ce caveau. C'était là qu'on ensevelissait les soldats tués, et malheureusement il n'y avait pas de jour où il ne fallut déplacer la dalle pour descendre de nouvelles victimes dans le souterrain. Une après-midi, comme nous étions à jeun depuis l'aube, Petrouchka, me voyant d'assez méchante humeur, vint à moi d'un air de mystère et me confia qu'il croyait tenir notre souper. Il avait observé qu'un couple de pigeons sauvages revenait chaque soir se poser dans les embrasures du mur et en ressortait le matin. Apparemment, ces oiseaux passaient la nuit dans l'intérieur de la chapelle. Il serait facile de les y capturer. Après m'avoir révélé son projet, mon homme partit en grand secret pour cette expédition. Il se glissa dans le bâtiment désert et se mit en embuscade sous les meurtrières. Les pigeons entrèrent. Petrouchka se jeta à leur poursuite armé d'une grande gaule. Mais la nuit était venue dans la chapelle et il n'avait pas osé prendre de lumière de peur d'éveiller l'attention, d'attirer des copartageants. Le malheur voulut que ce jour-là, on eût déposé à l'orifice du caveau deux soldats tués la veille, en négligeant de replacer la dalle. Petrouchka buta contre ses corps, s'embarrassa dans les cordes destinées à les descendre et tomba la tête la première dans le trou béant. Le lendemain matin, comme je le cherchais partout, on entendit des cris pitoyables qui sortaient de chez les morts, sous la chapelle. On retira le chasseur de pigeons tout contu, à demi asphyxié et fou d'épouvante, après cette nuit passée dans le sépulcre. L'aventure a eu les honneurs de l'histoire. Vous la trouverez à l'appendice de la relation du siège, égayant ses pages tragiques. La seconde idée de Petrouchka fut encore moins heureuse, bien qu'inspirée par un brave sentiment. Le jour où le commandant prescrivit d'abattre les derniers chevaux d'officier, j'ordonnai à mon serviteur de mener ma pauvre monture au sacrifice. Petrouchka lut dans mes yeux le regret que j'éprouvais à me séparer ainsi de mon cheval de bataille. Il me communiqua un plan dont la réussite devait nous procurer des vivres et retarder l'emploi des ressources suprêmes. Il croyait savoir qu'une bonne provision de blé existait encore dans une maison d'Arméniens. Seulement, cette habitation, séparée du village, s'élevait au milieu d'un champ découvert. Il était impossible de l'atteindre sans être mitraillé par l'ennemi. Il fallait trouver un stratagème. Petrouchka et quelques-uns de ses camarades l'avaient trouvé. À la nuit, on les vit se partager une pile de madriers abandonnés dans les chantiers de la citadelle. Chacun des volontaires chargea une de ses planches sur ses épaules et s'engagea dans la tranchée à l'heure de la sortie aux vivres. De la tranchée, ils gagnèrent le champ découvert en rampant sous leur carapace. Petrouchka ne se doutait guère qu'il plagiait la tactique d'assaut des Romains. Il allait, s'applaudissant du succès de son invention, riant au bal turc qui mourait sur sa cuirasse. Mais comme il touchait au port, un obus s'abattit précisément sur les planches mouvantes, culbuta avec fracas trois ou quatre d'entre elles, rompit l'ordonnance de la petite troupe. Le bruit et la lumière trahirent les mouvements. Aussitôt, les avant-postes ennemis foudroyèrent ces malheureux de décharges répétées. Les volontaires se replièrent précipitamment. Continuant, hélas, leur plagiat inconscient, ils rapportaient sur leurs boucliers improvisés, transformés en civières, une douzaine de morts et de blessés. Parmi ces derniers se trouvait Petrouchka, percé de deux balles. Ses blessures, dont la malignité se révéla par la suite, parurent alors assez bénignes. Il en fut quitte pour une semaine de lit, et durant les deux dernières journées du siège, il revint flâner avec les convalescents dans l'enceinte de la citadelle. Ces dernières journées avaient consterné les plus fortes âmes. Le 21, comme vous pouvez le voir à cette date dans les ordres du jour, le commandant avait communiqué à la garnison une bienheureuse nouvelle. Soit qu'il eût en réalité quelque avis, soit qu'il voulût relever le moral du soldat, notre chef annonçait l'arrivée d'une armée de secours pour le lendemain. Le 22, dès l'aube et jusqu'au soir, tous les yeux fouillaient impatiemment l'horizon. Rien que l'éclair accoutumé des canons turcs. Le 23, le 24, on attendit encore d'heure en heure la réalisation de cette promesse. Rien, toujours rien. Alors les espérances, un moment exaltées, retombèrent de toute leur hauteur dans un abattement pire que les incertitudes passées. Plus de pain, une cuillerée d'eau nauséabonde, une chaleur accablante et cette odeur insupportable des cadavres qui pourrissaient aux abords de la citadelle, empestant l'air que nous respirions. Les hommes encore valides, brisés de fatigue, ne suffisaient plus aux services multipliés qu'on exigeait d'eux. Beaucoup s'asseyaient à terre, l'œil éteint, les lèvres serrées, sans murmure, mais avec le désir visible de la mort. Le 27, on mangea le dernier cheval. C'était l'agonie pour le lendemain, si le ciel ou les hommes n'avaient pas pitié. Le soir de ce jour, aux premières ombres, on signala un parlementaire ennemi sous le rempart. Le commandant et les officiers du conseil se portèrent à sa rencontre. Cet homme fut introduit et nous remit une missive du général turc. C'était la huitième depuis le début du siège. On avait dédaigneusement renvoyé les précédentes. Le commandant prit le papier, l'éleva à niveau de la lanterne qui éclairait le cercle d'officiers et nous en fit la lecture à haute voix. Chamil Pacha informait les assiégés que le général Loris Melikov, ayant tenté d'opérer sa jonction avec l'aile gauche de l'armée russe, avait été battu et contraint d'évacuer Kars. Tergoukassov, qui commandait cette aile gauche, avait perdu de son côté plus de 7000 hommes en diverses rencontres et repassait la frontière. Nous restions seuls, abandonnés sur le territoire ottoman. Le pacha, mû par un sentiment d'humanité, nous engageait à cesser une lutte sans espoir et nous offrait les conditions honorables que méritait notre bravoure. Tandis que le major lisait, des groupes nombreux de soldats étaient venus se masser derrière nous. J'épiais sur leurs visages découragés l'impression produite par ces tristes nouvelles. Elles ne trouvaient que trop de créances. Puisque nos frères n'accouraient pas à notre aide, c'est qu'ils étaient malheureux partout, comme l'affirmait le général ennemi. Le commandant laissa tomber la lettre à ses pieds et garda le silence. Je vivrai 100 ans que je n'oublierai pas l'angoisse de cette minute. Sous la clarté hésitante du fanal, autour du parlementaire turc, l'état-major était rangé, débordé par le flot des soldats. Les figures inquiètes de ceux-ci interrogeaient les chefs, et les chefs se taisaient, la tête basse. Chacun examinait son cœur, craignant de le deviner, et de deviner du même coup celui de son voisin. Chacun luttait à part soi, mollement, contre les sophismes du désespoir, les lâchetés qui commençaient à ramper dans les âmes. La limite des forces humaines n'était-elle pas atteinte? Faire plus n'était-ce pas folie? Moment terrible, où nul ne parlait, parce que tous attendaient la voix d'un plus faible, qui vint entraîner et excuser la faiblesse grandissante de tous. Nous sentions que chaque seconde triomphait d'une volonté et mûrissait la défaillance commune, qu'elle ait trouvé un interprète. Les regards se fuyaient pour ne pas se trahir en se rencontrant. Je détournais les miens. Ils se portèrent machinalement sur un homme qui approchait, le bras en écharpe et le front bandé. C'était mon vieux serviteur, accouru pour s'enquérir de la cause du rassemblement. Il n'avait rien entendu, ignorait ce qui se passait, et considérait curieusement le gros Turc immobile dans sa dignité d'oriental. Alors Petrouchka eut son idée, la bonne. Une idée facétieuse, une joyeuseté de paysan russe, qui traversa je ne sais comment sa cervelle. Il vint se planter tout droit devant le parlementaire, tira de sa poche son fifre, muet depuis si longtemps, le porta à ses lèvres, et à la barbe du Turc étonné, il souffla dans l'instrument. Ce que Petrouchka jouait, c'était la première phrase de notre hymne national et militaire « Dieu sauve le tsar ». Vous savez si elle est puissante et superbe, cette phrase. Au grand jour des fêtes d'armée, vous l'avez entendu passer comme une tempête sur le front des bataillons, faisant battre les cœurs, sonner les sabres et claquer les drapeaux. Dès qu'elle éclate, un froid serre à la gorge le plus tranquille de nous. Et le sang se jette aux yeux comme demandant à se répandre. Ce jour-là, dans le fifre de Petrouchka, elle n'avait pas son grondement de tonnerre. Prisonnière dans ce petit roseau, elle en sortait toute sourde, malheureuse et suppliante. Pourtant chacun la reconnut et tressaillit. Quelque chose d'oublié venait de se lever au milieu de nous. Ce n'était pas ce paysan qui soufflait dans son méchant tuyau de bois, c'était la voix de la grande Russie qui nous promettait secours, la voix de la patrie gémissante qui conjurait de garder son honneur et commandait de mourir. Ah, la curieuse machine que nous sommes, mon cher ami! Une vibration d'air nous avait changé en une seconde. À la dépression morale sous laquelle nous succombions, un sursaut de tous les cœurs succéda en un clin d'œil. Chacun se secoua comme tiré d'un mauvais rêve, chassant un souvenir de honte. Les têtes se relevèrent, les regards qui se fuyaient se rencontrèrent avec de nobles flammes. Le commandant ramassa brusquement le papier, le jeta à l'émissaire et dit « Va te faire pendre ». Prit-on cette réponse pour un ordre mal donné? Était-il vrai, comme on me l'affirma depuis, que cet envoyé fut un transfuge de notre camp passible des lois militaires? Peut-être. Dame, vous ne trouverez pas la fin de mon histoire très correcte. Mais ne demandez pas trop de sang-froid à des désespérés qui meurent de faim. Bref, je ne sais comment, je ne sais par qui, en moins de 3 minutes, le parlementaire était branché à la lanterne, et sous le pauvre diable qui gigotait, Petrouchka goguenard continuait de souffler dans son fifre. Chacun le reprend dans son poste de nuit. Il n'eût pas fait bon pour les Turcs nous attaquer à ce moment-là. Un pressentiment confus nous disait que nous touchions à la fin de nos peines. À l'aurore, le 28, des mouvements inusités se produirent sur les montagnes. Des feux d'artillerie se croisaient qui n'étaient pas dirigés sur nous. Bientôt nous vîmes les lignes ennemies reculer en combattant. Une colonne débouchait sur les hauteurs. Du rempart, la vigie nous jeta un cri de joie. Elle avait reconnu les uniformes et les enseignes russes. En un instant, tout ce qui pouvait encore courir dans la garnison fut sur le mur. Nous suivions les péripéties de la lutte. Nous distinguions les régiments qui avançaient. Vers midi, les Turcs évacuèrent en désordre la vallée. Un gros de cavaliers s'élança sur les pentes de la citadelle. Je vous laisse à penser les cris, les gestes fous, les appels des gens qui m'entouraient. Cependant, on affichait au quartier un ordre de commandant, le dernier. Ordre numéro 23, 28 juin. À l'approche de nos libérateurs, on hissera près du drapeau les enseignes du bataillon de Stavropol et les guidons des Sotniens cosaques. Toutes les troupes se rangeront en ordre de parade sur le rempart, Autour du drapeau, on chantera l'hymne « Dieu sauve le tsar » et on criera « Hurrah !» Toutes les troupes, c'est-à-dire les quelques centaines de spectres qui se traînaient encore dans les cours, se serrèrent autour de leur étendard. Ces voix faibles, étranglées par la soif, entonnèrent le chant avec un tremblement enfantin. Un peu en avant, Petrouchka donnait le ton, jouant sur son fifre comme la veille. Et il faut croire que nous offrions un singulier tableau, lamentable et touchant. Nos yeux habitués ne s'en rendaient pas compte. Mais nos camarades de l'armée de secours m'ont dit depuis qu'ils n'avaient jamais rêvé un aussi effroyable spectacle. « Vos hommes étaient verts, je ne peux pas trouver d'autres mots », me disait l'un d'eux. Oui, nous ne devions pas avoir la mine de tout le monde. Le général Tergoukassov, arrivant au galop en tête de son escorte, s'arrêta à notre vue. Des larmes montèrent aux yeux de ce vieux soldat. Il se précipita sous la poterne, serra contre son cœur notre commandant, puis il alla droit au fifre et lui cria « Continue, mon brave, je te donne la croix de Saint-Georges. » Petrouchka, toujours facétieux, répondit « Merci, votre excellence, mais qu'il vous plaise d'abord de me faire donner un verre d'eau. Il y a 24 heures que je n'ai bu. » « Vous voyez bien, » grommela M. P. en se levant, « que je ne peux pas congédier cet animal-là. »